Voilà, voilà, bonjour, c'est bien Bulle de Rêve avec un tout petit peu de retard. On a eu une petite chose au niveau du temps, mais tout va très bien. Non, non, pas du tout, il n'y a pas de problème. Je remercie Ariel qui remplace Nicolas aujourd'hui. Merci à lui. Donc, c'est bien Bulle de Rêve, l'émission 100% animation et la semaine prochaine, Radio Libertaire 89.4. Et alors, comme le disait Florentine sur un énorme forum où elle met les annonces. Normalement, au mois de juillet, tout le monde prend des vacances. Nous, non. Au contraire, on va même vous faire deux émissions assez exceptionnelles cette semaine et la semaine prochaine. Ouais, on double les cadences. La semaine prochaine, on aura la chance d'avoir Florence Mihail pour deux heures autour de cette table qui nous parlera de son travail. Et aujourd'hui, on a eu une chance incroyable de recevoir Georges Lacroix. Bonjour Georges, qui va nous parler de l'aventure de fantômes. Hein, oui, bonjour. D'un secteur et puis de toutes ces belles choses. Alexandre Dubosc, invité aussi. Je suis très content d'avoir Alexandre. On va parler un petit peu avec lui de fantômes et aussi de son travail à lui d'image de synthèse, et puisque c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les films, notamment Jérôme Boulbès. Donc, on va parler un peu de tout ça. On a comme invité mystère, qui n'est plus un invité mystère, Pierre Schwartz. Bonjour, bonjour. Pierre, qui sera l'invité candide du mois, qui pourra évidemment poser ses questions. Nous avons bien évidemment toujours la merveilleuse Florentine Grelier. Bonjour. Bonjour Florentine, qui nous parlera de son agenda, qui évidemment peut elle aussi poser des questions. Voilà, vous aviez en prélude le générique, vous avez eu une petite inversion par rapport au générique. Normalement, vous savez, je parle et ensuite je relance. Donc, vous avez eu en tout premier la marche nuptiale de Mendelssohn. C'était un petit coucou, et pour leur souhaiter plein de bonheur à Franck et Nadège. Vous voyez, je fais mes petites messages perso, donc voilà, à eux, une marche nuptiale. Mais en plus, je suis persuadé que vous n'avez jamais entendu cette marche nuptiale de Mendelssohn jusqu'au bout, parce que normalement, on entend juste une minute. Donc là, on a entendu les cinq minutes de cette marche nuptiale. Donc voilà, et puis... puisque j'en suis au message perso, je fais un petit coucou à Gilles et une pensée à Gilles, voilà. Oui, je suis comme ça, je fais des messages perso. Et après, on avait tout simplement, alors c'est important, le générique du début d'Insector, qui était donc, Georges, tu nous disais, qui a été écrit par... Ouais, c'est Jacques Davidovici, si jamais il est au bout du micro quelque part, en tout cas je le salue. Il avait fait un remarquable travail d'ailleurs à l'époque sur toute la série. Là, c'était une des parties de lancement du générique, en fait, qui commençait tous les épisodes, en fait. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que vous n'avez pas pu voir ça, mais Pierre nous a mimé quasiment le générique en entier, comme quoi cette série a vraiment marqué. On va en parler, évidemment, on va en parler. L'image de synthèse, juste pour vous donner, évidemment, l'idée n'était pas de vous faire un long... une longue séquence historique sur l'animation. On va avoir vraiment largement le temps. On est vraiment là plutôt pour Fantôme et tout ce qu'a pu créer Georges avec Fantôme. Mais quand même, pour vous dire que ça remonte à il y a longtemps, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est début des années 60 notamment, en tout cas dans quelque chose de plus artistique, entre guillemets, avec un monsieur qui s'appelle notamment John Whitney, avec un film qui s'appelle La Piste en 63. Il en avait fait d'autres avant. C'était aussi, ça a très rapidement été utilisé pour tout ce qui était avion, tout ce qui était simulation d'aviation. Donc ça, c'était vraiment les tout débuts 60. On se rappellera, quand je vous dis que c'était des grandes lignes, c'est vraiment des très, très grandes lignes. 74, La Fin, film de Peter Foldes qu'il avait fait à l'ONF, un film magnifique que vous pouvez voir sur YouTube. Et ça, donc là, on est vraiment dans de la, entre guillemets, de l'animation, donc pas dans les courts-métrages d'animation, hein, dits d'auteur. Il va falloir attendre bien plus tard, et les années 80, et notamment 82 avec... pour ceux qui s'en souviennent, Star Trek 2, et c'était le premier effet spécial numérique en fait mis dans un film de prise de vue réelle. Donc c'est 82, la même année il y avait Tron, voilà. Vous vous rappelez, hein, voilà, Alexandre s'en souvient, Tron. Donc Chris, voilà. Chris Wedge, oui. De Blue Sky a travaillé en tant qu'animateur sur Tron. Sur Tron. En clavier, 1-0-0-0-1-1-0. Ça, on va en parler un petit peu, on va essayer de comprendre ça, parce que nous, on ne comprend pas forcément, non techniciens, il y a beaucoup de choses, donc on va essayer de voir ça. Et puis après, on passe à d'autres choses bien Alexis, après. Alexis, avec oui. ta permission. Mais je t'en prie. 1983, Maison Vol, Alina, premier film d'animation français créé à Alina. Wow, réalisateur Philippe Kéo, 83. D'accord, bah ça c'est. Donc, bah, oui, parce que malheureusement, souvent, c'est des choses qui sont très, très américaines, mais il y a pas mal de choses. Il y a, je vois aussi ouais. Hein, Biosensor qui est créé à l'université d'Osaka, les Japonais aussi, évidemment, ah, oui. beaucoup. Et si on devait ensuite passer, juste pour donner des noms hein, qui marquent de suite. 95, donc là on est carrément 10 ans après Toy Story, premier long métrage d'animation ouais. uniquement en synthèse. Donc voilà, c'est vraiment rien, c'est juste pour donner. Et aujourd'hui, évidemment, des films comme c'est une force, une porte que j'enfonce facile, mais évidemment, quel est le film aujourd'hui à Hollywood, voire même en France, hein, même de prise de vue réelle où il n'y a pas un tout petit peu de retouche à un moment donné de synthèse, quasiment tous. On le sait, on ne dira pas le nom, mais il y a même des actrices. On fait le film en entier pour cacher leurs rides, spécialement pour rajouter les choses, des choses comme ça. Donc c'est vraiment tout un. Aujourd'hui, l'animation de synthèse, par contre, ce qui est très drôle et qui ne va pas forcément parler à tout le monde, mais quand même, c'est que juste pour une conférence qu'avait fait Georges à Stuttgart, le début commence en disant fantômes, les premiers âges, il était une fois en 85 alors que les ordinateurs avaient 5 mégas de RAM, de mémoire de RAM, et 256 mégas de capacité en disque dur quand Softimage et Maya n'existaient pas. Et alors là, vous savez pas, mais la plus jeune d'entre nous qui est juste avant ne comprend même pas que ça puisse se passer à l'époque où vous vous rappelez ou quand vous téléchargez vos mails. Ça prenait environ un quart d'heure et que vous aviez des abonnements d'une heure pour Internet, que vous regardez bien, vous faites bien attention de ne pas les dépasser. Je m'étonne d'en limiter. C'est à partir de ce moment-là que Phantom notamment est né. Mais avant de passer à Phantom, j'aimerais bien savoir d'où vient Georges Lacroix. Avant Phantom, t'as fait quoi ? Oh bah très vite. Art déco Strasbourg, Beaux-Arts Paris, en même temps que les Beaux-Arts bande dessinée pour des journaux comme Chouchou, rédacteur en chef Raymond Forlani et Forest, puis Pilote, ouais. Un bon stage en BD là-dedans, après la BD du dessin d'humour avec plein de gens, après ça l'Express, direction artistique des couvertures et puis aussi un peu du journal en entier quelques années plus tard. Pendant tout ce temps, de l'illustration, du dessin. Et comme disait Florentine tout à l'heure dans son film, multi-utilisation avec tout du papier, du crayon, de la plastiline, des gommes, enfin de tout. Quoi. Donc, bidouilleur. À l'intérieur de l'illustration, pas de l'animation encore. Pas encore de l'animation. Non. D'accord, donc tu bidouilles dans entre guillemets, l'illustration, parce qu'après, oui. quand même, c'est un bon parcours, déjà rien que dans le... Dans le journalisme papier, en tout cas. J'essaie dans de faire vite. Oui, non, ça allait des open pages du New York Times en passant par des journaux japonais, par Marie Claire, par le journal Lui. Il y a de très bons articles de fond, d'ailleurs. En continuant par des journaux anglais. Enfin, un grand bonheur, un grand plaisir, parce que, bon, disons qu'il y a une autonomie dans l'illustration, qu'on est un peu le maître chez soi, qu'on bidouille un peu tout seul. Et tout ça m'a amené un jour après, c'était la passion. J'avais vu Blanche-Neige une fois, je crois que c'était, je devais avoir 5 ans, ça remonte à très loin, et j'avais juré que je ne voulais plus devenir ni pompier, ni vétérinaire, ni rien. Quoi. Je m'étais dit un jour, je veux faire ça. Voilà. Donc en fait, tu as fait comme beaucoup de gens dans l'animation, ce qui se fait moins aujourd'hui, d'Emile Cole à Bill Plimpton, c'est avant tout illustrateur d'abord, pour ensuite passer à l'animation. Quel a été le déclic de l'animation ? Pourquoi d'un seul coup Blanche-Neige ? Mais ça, Blanche-Neige, t'en avais envie. Mais qu'est-ce qui, à un moment donné, où tu t'es dit, bah ouais, là, je peux vraiment le faire, je peux vraiment me lancer dans l'animation ? Bah déjà, il y a eu des petits essais, bon, perso, pour voir comment l'image fixe, ça peut bouger. Mais ça, c'était pour moi tout seul. Et puis, il y a eu une rencontre pour la création de Phantom, qui était Renato. Il ne faut pas l'oublier, qui est aussi un cofondateur donc, de Phantom. Et puis, on avait un illustrateur formidable qui était Jean-Yves Gral. Donc, chacun a cassé un peu sa tirelire pour que Fantôme existe. Mais le déclic sur l'animation, en fait, il est devenu évident à partir du moment où j'avais vu les premières images de synthèse du Canada, la Statue de la Liberté volante en filaire, des choses comme ça. Et moi qui faisais des sculptures avec de la pâte à modeler, qui faisais des, comme je disais, qui bidouillait, je me dis, ça doit être un truc formidable, quoi, mais sans savoir plus que ça. J'avais été très admirateur un peu des premiers travaux, des animations, entre autres de Toyo Lynx, qui était l'université qui a travaillé à l'époque, et qui ont fait justement des films comme Biosensor, qu'on regardait avec étonnement, effarement. Donc, les premier quand même, juste pour les premiers essais, c'était quoi? C'était du 16 mm, du 8 mm même, chez toi, avec de la pâte à modeler, des choses comme ça? Les premiers films d'anime, juste pour voir si ça marchait, pas forcément des films, d'ailleurs, des petits essais. Non, c'était un truc très bizarre, parce qu'il y a eu un ordinateur mou. Et l'ordinateur mou s'appelait un DAI, pour ceux qui se rappelleront. Et le DAI, on appuyait dessus, ça couinait, quoi. C'était une question. Il y avait 8 affichages, 8 couleurs dessus. Okay. Et j'affichais les trucs comme ça sur un mini écran et je prenais les successions de tout ça. D'accord. Donc déjà, voilà. Là, c'était la synthèse. C'est vraiment la synthèse qui t'a donné envie de passer vraiment le cap de l'animation. T'avais pas eu forcément d'envie d'animation autre? Si, mais j'avais fait des essais comme on le fait sur des flipbooks, quoi. D'accord. Pour voir. Ça, d'accord. Pas filmé, mais flipbook, ce genre sans, de choses. Non, sans conséquence. Comment ça peut bouger, etc. Voilà. Ça vous parle, Alexandre? Absolument, ouais. Enfin, pas tout à fait, mais je dirais qu'il y a un truc qui me fait rire, c'est de parler de la technique aussi, proprement dit, par rapport aux performances, nombre de couleurs. Et en fait, là, à entendre Georges, j'ai évoqué aussi son parcours. Enfin, je sentais, en fait, dans Fantôme qu'il y avait quelque chose de spécial. Et en fait, le parcours rappelé là par Georges par rapport à l'illustration me rappelle bien la connexion qu'il y avait finalement et ce petit côté, je pense, un peu exceptionnel à l'époque. Enfin, moi, j'ai découvert les premiers travaux de Fantôme au moment où j'étais à Supinfocom en tant qu'étudiant, donc j'étais un peu motivé par rapport à ce nouvel outil qui permettait de faire plein de choses, et je sentais qu'il y avait des gens qui commençaient à utiliser l'outil d'une manière autre que les démos qu'on voyait très techniques, qui étaient celles qui venaient du SIGGRAPH, mais qui étaient un petit peu retirées de substances d'amusement, j'ai envie de dire. Et ce qui me fait assez rire, c'est que tout à l'heure Georges m'a redonné une carte ainsi qu'à certaines personnes d'ici. Il y avait l'humour, en fait. Enfin, moi, j'adore l'humour, et je pense que même déjà à cette époque-là, ce que je trouvais vraiment intéressant dans les productions de Fantôme, c'était l'humour. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait les gens s'amusaient à faire des films avec de l'image de synthèse, ce qui n'était absolument pas du tout le cas de toutes les bandes démo techniques qui venaient, évidemment, je veux dire, quand les chercheurs ou autres voulaient montrer des performances techniques, évidemment, c'était retiré d'une substance d'amusement. Limite, ils n'avaient peut-être même pas le droit de s'amuser, je pense, s'il fallait qu'ils soient sérieux pour avancer plus vite, parce que la donnée humour n'est pas vraiment un paramètre intéressant à mettre dans une courbe de rentabilité. Donc, enfin, bref, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, moi, en ayant vu les premières choses sortant de chez Fantôme, c'était l'humour, en fait. Il y avait vraiment quelque chose qui était pris par l'être humain et qui, comme à chaque fois dans les illustrations en premier, et là je pense qu'il y avait réémergence de cet aspect-là, c'est détourner, rire de la vie, et du coup même cet outil-là se trouvait capté et pris pour en faire. Et ça, je pense que ça fait partie des données et des substances qu'ont dû inconsciemment, moi, déjà me donner envie de suivre, voilà, et de graviter, comme j'ai rappelé tout à l'heure, je suis pas du tout jamais allé travailler chez Fantôme, mais j'avais vachement envie d'y rentrer. Et voilà, et après, les circonstances ont fait que j'ai fait autre chose, mais voilà, oui. Et alors, donc, pour revenir aussi, j'ai noté l'évolution, malgré tout, ça peut peut-être paraître très technique, mais l'évolution technique, tout bêtement, du nombre d'images affichées, de la vitesse à laquelle un disque dur ou pouvait contenir d'images fabriquées, tout bêtement, c'est quand même quelque chose de vachement. Les plus jeunes d'ici vont se dire tout de suite ma clé USB à la 16 gigas, c'est normal. Alors qu'à l'époque, je veux dire, c'est toutes les nombres d'images affichées dans la manière la plus réaliste possible, c'était en 16 couleurs, c'était en tramé 16 couleurs, donc il y avait un peu plus de variantes. Et puis moi, je me souviens aussi des premières images sur Amiga où on se battait pour l'Amiga avec je crois les premières 16 16 millions de couleurs, on était fous, quoi. Enfin, voilà. Et ben, en fait, tout ça, finalement, ça fait aussi partie de l'évolution technique qui, sans être le nœud principal de l'image de synthèse, a quand même été, si la technique n'avait pas avancé, si les miniaturisations n'étaient pas faites les unes après les autres, on n'aurait pas la possibilité de se libérer finalement de cet outil afin de l'utiliser pour des bonnes choses. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est pour ça que je voulais absolument que Georges raconte son parcours aussi avant Fantôme, mais qu'il nous raconte ça, parce que ce qui est quand même passionnant, c'est qu'aujourd'hui, en effet, peut-être l'informatique et tout ce qui est la révolution, aussi bien du langage, aussi bien de la création qui a eu lieu. Je veux dire, quand on regarde l'animation d'Emile Cole, quasiment, il avait quasiment tout fait, alors peut-être avec des techniques différentes, mais il s'était déjà dit, bah tiens, je vais prendre de la peinture, je vais voir ce que ça va donner, je vais prendre de la pâte à modeler, je vais voir des marionnettes, etc. Et quasiment tout, pour parler un peu plus là, du cinéma d'animation, mais évidemment, ça rejaillit sur beaucoup de choses, avait été fait. Et là, d'un seul coup, on a quelque chose qui est en effet une nouvelle révolution. Et ce qui est étonnant avec Fantôme et... faut voir peut-être s'il y avait peut-être quand même d'autres acteurs, mais bon, là c'est vrai qu'on parle de Fantôme, mais c'est vrai que moi la plupart des choses que je voyais à l'époque étaient des choses, comme tu disais, qui étaient avant tout des techniciens. Évidemment. Donc c'est étonnant, c'est que quand en 85 vous créez à 3, et finalement quand tu le rappelles, vous étiez 3 personnes qui venaient plutôt de la création plutôt que des techniciens purs d'ailleurs à la base. Oui, Renato était passionné. On s'est rencontrés autour d'un film pour Dior, quoi. Je faisais des films à ce moment-là institutionnel, ouais, avec lui, je l'ai rencontré. Puis on s'est découvert une même passion. Mais lui déjà bidouillait des petits films d'animation avec des petites cuillères aussi, il travaillait, connaissait bien la vidéo. Donc je lui prêtais mon aérographe pour faire des essais sur le truc. Lui, il m'échangeait des données sur la vidéo en m'expliquant, tu sais, c'est fait avec des lignes et tout. Voilà, donc on a échangé un peu des savoirs. Mais le point commun, je crois qu'Alexandre vient de souligner, c'était l'humour, quoi. On avait envie de faire rire. Ouais. Et on a trouvé dans cet ordinateur un moyen, quoi. On n'a pas voulu. Tout ce qui se faisait avant, c'était l'industrie, c'est eux qui avaient l'argent. C'était pour des grosses boîtes, parce que les ordinateurs, le premier zigouigoui que j'ai fait, qui avait été sélectionné à Annecy, il a été fait sur un Perkins Elmer. Vous mettez 5 réfrigérateurs à la suite l'un de l'autre à peu près. Et lui, il avait effectivement 5 mégaoctets de mémoire de RAM, et c'était une grosse bande en un pouce. Et pour un truc qu'on calcule en temps réel maintenant sur n'importe quel logiciel, Maya, Max ou autre, nous on mettait un quart d'heure l'image, quoi. Il devait y avoir 820 polygones, quoi. Mais c'était drôle parce qu'en fait, la contrainte qu'on avait nous a obligés à créer du style, quoi. Les premiers trucs qu'on a fait, par exemple, ils n'avaient pas de bras, ils n'avaient pas de jambes. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oh la vache, c'est vachement génial en design. J'ai dit non, un bras, tu te rends compte, c'est rond. Ça prend 75 polygones plus 75, 150 plus les bains, on ne peut pas se le permettre. Voilà, c'était un peu ça. Mais moi, c'est ça que j'aimerais comprendre, c'est qu'en effet, il y a l'humour. C'est avant tout ce qui. Donc pourquoi pas faire une société à l'époque de dessins animés, de films en marionnettes, etc. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup on se dit oh, wow, ça c'est vraiment un nouvel instrument et c'est vers ça qu'on veut aller. Tu l'as dit toi-même, en 85, je sais pas, mais créer une société où on se dit bah tiens, on va mettre plein d'ordinateurs, on va mettre des ordinateurs, on va créer ça, c'est un peu une folie. Ben oui, mais on était complètement inconscients. Ça. La folie, d'accord, elle y est toujours, ça. Mais là, il faut l'admettre. Non, ce qui nous avait mis d'accord, c'était d'abord que le contenu, on était d'accord pour raconter les mêmes blagues, pour essayer de détourner des histoires, de les créer. Mais ça a été un ordinateur qui était le premier ordinateur, vraiment, qui était un Cubicomp, qui était un ordinateur un peu fermé, qui ressemblait à 4 boîtes de pizza empilées. Et le Cubicomp, lui aussi, étant très limité, on a dû se limiter. C'est là-dessus qu'on a fait nos premiers films. Et tout à l'heure, tu parlais de Sylvain Bor, ouais. Biosensor. Biosensor. Nous, on a voulu faire un hommage à Takashi Fukumoto. Et on a fait non, c'était un superbe truc en ray tracing à l'université de Tokyo. On était là et qui parodie aime bien, parodie bien. Donc on avait fait un Siobembor en verlan, ouais, à nous. Et là on a pris un grand plaisir, quoi, avec Renato. Ça a été vraiment notre première production. Mais on n'aurait jamais pu avoir les ordinateurs qu'il y avait à la Sogitech à l'époque. Le permis Kinselmer dont je parlais, c'était 2,5 millions, 3 millions de francs à l'époque, quoi. Donc, et ça, c'est cette boîte qui nous a permis de dire on a les moyens. Je me rappelle dans une conférence de presse à l'INA qu'on avait donnée, il y avait les gens de la Sogitech, que je salue parce que je les aime bien et sans eux, on n'aurait jamais commencé, mais qui nous ont dit, bah, on a essayé de dire une bêtise, on a dit on veut l'utiliser un peu comme une boîte de crayons de couleur. On dit, mais vous vous rendez pas compte avec les prix derrière, les machins. Ben, on savait pas, mais on a commencé, voilà. C'est donc, un peu donc, ça. Donc il y avait besoin d'un peu de folie à l'époque pour faire ça, un peu beaucoup. Je crois qu'on était totalement inconscient, on ne savait pas dans quoi on s'engageait, il n'y a pas l'image. Mais... C'était quoi le milieu de l'animation à la base, à l'époque, le milieu de l'animation, vous prenez, est-ce qu'il y avait déjà un pied dans le milieu de l'animation vous, parce que c'était aussi grave évidemment, mais par exemple par rapport à Annecy, comment c'était vu? Parce qu'on sait bien que ce n'était pas forcément très bien vu l'animation en synthèse à l'époque. Tu te rappelles des premières fois où tu as amené tes projets, tes films, comment ça s'est passé? La première fois, j'avais été sélectionné en panorama pour un zigouiste qui durait à peine 30 secondes. Donc c'était la grande fierté. Moi qui rêvais toujours d'aller à Annecy, je n'avais pas les moyens. Et donc ça a été la première fois. Et ça encore, ça passait parce que c'était en panorama. Ouais. Mais après, les premières animations qu'ils ont amenées, c'était du Graph 9. Donc en fait, ça ressemblait à des diaporamas d'images fixes qui s'empilaient. Donc pour les puristes de l'animation, et ils avaient pas tort quelque part, c'était pas de l'animation, c'était ni de la transformation ni de l'interpolation. Ouais. Donc c'était, et il y a eu même des pierres qui ont été jetées contre toutes les images de synthèse à un moment donné. Puis puisque tu me donnes l'occasion, je veux signaler que j'ai passé un très bon moment au conseil d'administration du festival d'Annecy, du temps où Jean-Luc Sibéras le dirigeait, et justement avec Jean-Luc, lui avait deux volontés, il y est arrivé, c'était qu'Annecy devienne annuel, parce que sinon on ne tenait pas la route, donc le festival devait devenir annuel, et puis la deuxième c'était de réconcilier ces nouveaux outils avec les animateurs. Et ça, on avait réussi grâce à un moment donné, une rencontre entre Imagina, le festival, ouais. Lina qui faisait des images, et on avait rempli la salle 300. On nous avait prédit qu'il fallait mettre les gilets pare-balles parce qu'on allait être abattu à coups de chevrotine sur ça. Puis pas du tout, ça a été un vrai succès. Les films d'étudiants qui sont passés à ce moment-là. Et je crois que ensuite, John Lasseter est venu avec Luxo Junior, et ouais. ça a convaincu tout le monde, quoi. Tu crois vraiment que ça a convaincu tout le monde? Alexandre, toi qui es venu un petit peu après, mais qui fait quand même bien partie de ce milieu-là, et tu te rappelles, toi, de quand tu disais que tu faisais de la synthèse avec le milieu, tu as toujours aimé l'animation au sens très large? Non. Oui, en fait, c'est un peu particulier parce que moi, finalement, je suis un peu parti à fond la caisse dans l'image de synthèse au début, et c'est au contraire, je me suis dit que c'était vraiment intéressant de mixer. On parlait tout à l'heure avec Georges du fait que c'était, enfin, pour moi, je conçois même plus maintenant de l'image de synthèse en tant qu'élément brut sortant de l'ordinateur en tant qu'algorithme de calcul, vraiment quelque chose de 100% synthétique. Et bien, en fait, maintenant. Et je pense que déjà à l'époque, j'étais déjà plus dans cet esprit-là, c'est-à-dire plutôt comme un étudiant, il cherche, il fait ses propres expériences, il regarde ce qu'il y a autour de lui, et puis il jauge. Et du coup, pour aussi revenir à Fantôme, en fait, je pense qu'à l'époque, j'avais quand même une vision du panel assez important de tout ce qui nous était proposé. C'est à l'époque, là, je parle de l'époque de 91 à Supinfocom. Toi, t'étais à Supinfocom, c'est 91. En fait, je suis sorti diplômé en 93. Donc, c'était les années où je consommais beaucoup de choses qui. Mais, donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient techniques. Il y avait quand même, nous aussi, une maîtrise à avoir pour essayer de faire des choses. Mais en même temps, je trouvais qu'effectivement, il y avait vraiment un grand intérêt à s'ouvrir sur autre chose que le 100% 3D ou 2D ou numérique, quoi. Enfin, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce que moi je conçois maintenant comme étant une bonne exploitation, une utilisation intéressante de l'image de synthèse, surtout 3D, parce que on tombe très vite dans un autre univers qui pour moi est très jeu vidéo finalement. C'est de mixer, c'est-à-dire de mélanger de façon. Le public par lui-même, il reçoit même ce média-là, il n'a pas à le recevoir comme étant une technique, mais comme étant un visuel. Et l'intéressant, c'est justement d'aller y prendre ce qu'il y a d'intéressant dans ce domaine, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas forcément orchestrer. On parlait tout à l'heure d'un élément qui, pour moi, me résume assez bien l'ordinateur. C'est un grand organisateur, en fait, l'ordinateur. Florentine rappelait que sans l'ordinateur, elle ne pouvait probablement pas terminer son film, mais c'est intéressant d'avoir aussi ce panel varié varié de l'utilisation de l'image de synthèse, parce que je pars aussi du principe qu'à partir du moment où on est sur ordinateur et qu'on ressort des choses, bah, elles deviennent déjà un peu plus synthétiques que quand elles y sont rentrées. Mais en même temps, ce brassage, ce mélange entre la 3D, la 2D, la peinture, enfin un petit peu tout ce qu'on peut, enfin je dirais même là, il faut pas se limiter, il faut vraiment essayer de faire un mix. À partir du moment où ça sert à un récit, voilà, l'ordinateur 3D est aussi un bon outil pour pouvoir libérer l'auteur qui veut dire quelque chose. Voilà, après justement la période dont tu parlais, c'était très tendu, je dirais. Moi je me souviens même à Imagina de projections où il pouvait y avoir des choses qui étaient entièrement synthèse 3D, qui étaient vraiment pas bien acceptées, qui faisaient un petit peu la guéguerre avec des gens qui faisaient plutôt de la 2D, mais comme on pourrait le faire sur After Effects, même à Imagina. Moi je me souviens, j'ai eu pas mal d'années à Imagina quand j'étais à Superfocom, on y allait pas mal, on avait des possibilités, et les productions de Fantôme étaient vraiment appréciées parce que je pense qu'elle était déjà à l'époque un petit peu au-dessus de ce que je pense être les prémices qu'on a quand on utilise de l'image de synthèse, même pour certains projets qui étaient aussi assez scientifiques et qui parfois étaient beaucoup retenus à Imagina. Et du coup, c'est vrai que quelques années après, j'ai un petit peu découvert Annecy et je suis plus du tout allé à Imagina au bénéfice d'aller à Annecy, parce que pour moi, c'était on ouvrait totalement, on remettait en scène cet outil-là, qui pouvait pour moi normalement trouver aussi sa place, mais on le remettait à sa place, c'est-à-dire on l'utilisait, c'était un instrument, comme on pouvait utiliser l'écran d'épingle d'Alexieff, comme bien on sûr, pouvait... Ouais. Voilà, pour moi, c'est et ça reste toujours, et ça doit rester, l'ordinateur, c'est vachement sympa, mais il y a un moment donné, voilà... Ça est devenu de toute façon, non? Ah ben, je pense, oui, justement, oui, ça n'était pas à l'époque, mais aujourd'hui, et justement, ce que je pense être maintenant le cas, et je pense que c'est que les gens peuvent avoir pris un peu de distance par rapport à un outil qui était très phagocytant par rapport à sa technique avant. Les gens, il fallait qu'ils aient Bac plus 6 pour arriver à appuyer deux touches. Et en même temps, ce qui était vachement intéressant chez Fantôme, c'était que cet outil-là, déjà, lui, il était passé à... Il y avait une espèce de maturité supplémentaire dans la société parce qu'il voulait s'amuser avec. Voilà. Et ça, c'est... Oui, merci Alexandre. Par curiosité, juste... Par curiosité, Georges, pardon. T'étais dans la première promo de Superfocom ou quasiment? Ah non, j'étais, mais... Enfin, j'étais au début de Superfocom, mais pas dans la première. C'était à l'époque où je pense que voilà toutes les mais j'ai vraiment apprécié enfin voilà cette école là pour moi elle a été vraiment importante parce que elle m'a totalement mixé avec un outil moderne et en même temps permis de passer du temps à réfléchir à faire des films et puis ce que j'ai toujours l'excitation de faire même maintenant d'avoir envie d'aider des gens ou de fabriquer des choses mais voilà l'image de synthèse c'est encore une fois qu'un élément et finalement Superfocom mais il est quasiment en même temps que Fantôme. Oui, mais je peux raconter une histoire qui me plaît beaucoup à propos de Monsieur Frédéric Bach, oui. Donc grand illustrateur dans l'éternel, hein, le fleuve aux grandes eaux, l'homme qui plantait des arbres, pour ceux qui connaissent. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, et depuis, je sais pas, il s'est créé un espèce de lien d'amitié, mais je vous raconte l'histoire. Il était à Banff, au Canada, en Rocheuse, il y avait un festival là. Et il y avait une exposition, et moi je présentais un épisode d'Insectors à l'époque. Et je rencontre Frédéric Bach et son épouse, Guylaine, et puis je vais vers eux, timide, je dis bon, ben, monsieur Frédéric Bach, merci pour ce que vous faites, et je m'en vais. Et ils me disent non, asseyez-vous. Puis en s'asseyant, je lui dis du complément de crack, de machin et tout. Il me dit, vous, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, j'osais pas trop le dire, parce que devant un tel monument d'histoire, de gentillesse et de talent, je lui dis, nous, on a un petit épisode, là, ça s'appelle. Il me dit, ah, c'est vous. Et il commence à me décrire, c'est un épisode qui s'appelait Le Pont de la Concorde. Il commence à en parler en me disant, mais vous avez utilisé des gammes de Camailleux, le brouillard que vous avez... Je me dis, c'est pas qu'un gentil monsieur, genre Jean Noël qui dit, qui voit la Terre tout entière. Et je continue la discussion avec lui en parlant de ses techniques, de son travail. Puis je lui dis, mais monsieur Frédéric Bach, pour vous, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui, l'image de synthèse, pour eux, c'est l'ordinateur qui fait tout, ça rien. Et voici ce qu'il m'a répondu, hein, copyright Frédéric Bach, qui m'a dit, mais je comprends pas pourquoi on fait autant d'histoires autour de ça. Il dit, quand on a inventé le saxophone, on n'a pas jeté les violons et les pianos à la poubelle. Il fallait juste apprendre à jouer du saxophone. Voilà. Phrase de Frédéric Bach. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, l'idée, c'est n'importe quelle que soit la technique, il faut la maîtriser pour pour créer l'émotion, mais n'importe laquelle, hein. Un corps de danseur, c'est de la technique, hein. En passant par, évidemment, un tableau de bord de Boeing jusqu'à n'importe quoi. Ça, c'est un peu une phrase aussi que j'ai de son côté, l'émotion, oui, d'abord, sûr, l'émotion, ouais. Quoi, l'émotion. Et lui, je rappelle que c'est du crayon de couleur, mais c'est sacrément bien maîtrisé. Comment, quand on commence on a parlé, une entreprise qui est un petit peu folle à la base, fantôme, vous êtes trois, il faut avoir un matériel qui coûte cher à l'époque. On commence par quoi? On fait de la pub, on fait, comme tu dis, des films institutionnels, on pense déjà à la série. C'est quoi les débuts de Fantôme pour essayer d'avoir un équilibre financier, alors, ou tenter de l'avoir, on va dire? Oui, avec Renato, Jean-Yves Grand et tout, on a fait des flying logos. C'était à l'époque. Tout le monde était content parce qu'on prenait une marque, on la faisait tourner sur elle-même. Ah, c'était le bonheur. Et on a passé énormément. Donc, on a été spécialiste du flying logo, le logo volant. Et puis ensuite, effectivement, un peu de publicité, des films institutionnels aussi avec Renato et autres. Et c'est un peu comme cela qu'on arrivait à se financer. Par exemple, le premier film qui était sur Bambor, c'était avec notre tirelire, quoi. C'était avec nos sous qui venaient justement, comme tu le rappelles, de la publicité, de l'institutionnel, de films. Je me rappelle aussi de films que j'ai pu faire pour Dior, Lancôme ou autres, du tournage live, avec dont un qu'ils avaient reconnu à Biarritz aussi, qui était fait pour eux, Experalta, où il y avait de la 3D là-dedans, faite sur Cubicomp aussi. Donc, avant que de pouvoir commencer à produire vraiment des films, comme le citait Alexandre, merci pour les compliments, c'est-à-dire de faire les fables géométriques, entre autres, qui a été avant à Sequence Sectors, s'est passé quand même beaucoup de temps. Voilà, parce que c'est ça, avant d'arriver aux noms les plus connus, on va dire, qui ont permis à Fantôme vraiment de s'inscrire dans l'histoire de l'animation. Voilà. C'est vrai qu'il y a tous ces films-là, j'avoue qu'on ne connaît pas forcément, c'est pour ça que ça m'intéressait. Et c'est vrai que moi, Sio Bembor, que je n'ai pas vu, a quand même grand prix. Pixel Inam a imaginé à 89. Ouais, on a été complètement étonné là. Aussi grave, etc. On a été étonné. D'ailleurs, je me rappelle de quelqu'un à la fin qui sort. On vient d'avoir un prix. Renato et moi, on est un peu sur le cul. Ça t'en passe que ce bout de machin puisse avoir un grand prix, surtout, je crois que c'était le prix aussi du public, donc c'est une des meilleures, plus belles récompenses, ou je sais pas si c'était le prix du jury. Mais enfin, il y a quelqu'un, enfin, qui me dit, oh là là, j'ai vu votre film. Oh là là, c'est vachement bien, hein. Et le cheval, il est génial. Alors, je dis, c'est pas un cheval, c'est un chat. Histoire authentique. Donc, après tout, on faisait des choses où chacun pouvait y trouver sa vision. Et pour Superinfocom, puisque tu me posais la question, un hommage, puisqu'on on a fondé cette boîte en 85, et Marianne a commencé Superinfocom en 88, d'accord. Et on avait beaucoup travaillé avec elle, donc grâce à son talent et tout, mais on avait été pratiquement la première société sur laquelle elle avait demandé aussi des conseils. On n'est pas le seul, hein. Elle avait pris, et donc j'ai vu les premiers films de Superinfocom, et il y avait du travail à long. C'était Marianne nous consultait régulièrement avant que de faire que la faire merveille à l'époque, alors que maintenant évidemment n'importe quel étudiant de Superinfocom a 28 stages quand il veut, il n'y a aucun problème. Il y avait du boulot à l'époque, ça devait être plus compliqué de trouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il y a tous les studios internationaux qui viennent faire la queue à Superinfocom, alors qu'à l'avant c'était quelques stagiaires qui faisaient la queue devant les studios, mais là maintenant c'est inversé, quoi. C'est clair. Toi, tu te rappelles Je me souviens en tout cas très bien d'une projection. Georges était passé montrer un épisode d'un secteur, et je me souviens de l'émotion que ça avait généré, et effectivement je pense qu'il y a dû, suite à cette diffusion, dans l'amphi principal de Superfocus, je me souviens, à mon avis, il y a dû y avoir un certain nombre de candidatures. En tout cas, je me souviens qu'on avait tous, nous, en tant qu'étudiants, on avait c'est trouvé vraiment que ça marquait une différence avec tout un tas d'autres sociétés choses. On avait vu un épisode et on n'avait pas vu des flying logos, ce qui nous aurait un peu moins accroché. Non, mais j'ai eu la chance aussi de suivre pendant presque 2 ans et demi, je crois, des films d'étudiants. C'est-à-dire, je ne prétends pas prof ou enseignant ou dans ce titre, mais j'avais été demandé. Et j'étais ravi, et j'ai pu faire justement un petit tour du monde, un peu depuis l'Angleterre, l'Allemagne, Superinfocom, Gobelin, MK, MC, etc. Où en fait j'en apprenais plus que ce que je ne leur donnais, mais j'ai eu la chance de suivre des films de Super Focom. Et je me rappelle de Romain Segaud, entre autres, qui avait repris un Grand Prix, qui continue de faire des choses formidables. Et d'autres étudiants avec qui, d'ailleurs, avec certains, j'ai gardé des contacts, quoi. Alors, on va revenir à l'histoire de Phantom. Et la première grande date, en tout cas, moi, dont je me souviens, beaucoup on se souvient, c'est les fables géométriques. C'est venu d'où ? C'était une commande à l'époque d'une chaîne ? Non, c'est toi qui... Alors, elle est un peu multiple. C'est-à-dire, moi, j'avais dans mon coin... je voulais faire un espèce de truc un peu éducatif avec des cubes, des carrés, des cercles, des ronds qu'on voulait proposer à France 3. Et puis, on l'a fait évoluer. Et puis, Renato est venu en me disant « Mais si on adaptait des fables de La Fontaine ?» Bon, bonne idée. Alors, fables de La Fontaine, mais simplifiées, enfin, sur laquelle on devait tirer aussi des épisodes. Et en fait, j'ai appris par la suite, on ne le savait pas du tout, que c'est la première série en 3D jamais faite au monde. Au monde. Oui, oui. Ah. J'ai même la médaille, là, je vous la montre. En effet, très impressionnant. Donc, on veut pas, mais non, c'est vrai, on le savait pas, et c'est pas contesté. C'est-à-dire que l'entertainment, comme disait Alexandre tout à l'heure, il est venu bien plus tard, puisqu'avant, c'était la modélisation, après, c'était le rendu, après, ça a été la lumière pour des objets, et l'entertainment est venu plus tard, quoi. C'est les sociétés qui se sont occupées simplement d'essayer de faire des programmes, il y en avait pas tant que ça à l'époque, et nous on ne savait pas, et quand on s'est lancé dans les fables, en fait c'était encore une fois pour s'amuser, parce qu'on trouvait ça rigolo, et la première fable a été faite par Anne Brotteau, qui est aujourd'hui à Gobelin, mais qui avant était aux Arts Déco, et qui a été aussi à Super Focom Arles, et qui va y revenir maintenant, qui revient, et on avait fait ça sur un ordinateur, maintenant il devenait agréable, c'était plus gros que comme deux frigidaires Brandt à peu près, et elle a fait la première fable en tant qu'animatrice avec Renato, hein, qui avait pondu le storyboard de ce qu'on devait faire et qui était la fable Le Corbeau et le Renard. Voilà. Ça, c'est 4 ans après. Phantom né en 85 officiellement. Oui, on commence. 84, 85. On commence les études des fables à peu près entre les crayonnés et les idées en 88. Et je crois que la première, on doit la sortir en 89 jusqu'à 92. Oui, c'est voilà, ça. 3-4 ans. Ouais. Donc, vous vous lancez avant d'être vendu dans France 3 et partenaire de suite ou c'est un peu difficile de les convaincre? Non, on sort des pilotes. Et en fait, le premier qu'on montre de pilote, on l'avait fait avec un comédien qui s'appelait Michel Elias. Et on voulait faire prendre des voix, entre autres, on avait fait la cigogne, on avait les verbes. Et entre autres, Michel Elias prenait des accents allemands, quoi. D'accord. Un jour, la cigogne est venue et on l'a montré à De Greff. Il a dit non, oui. Pas ça. Ça sert, fais attention, on veut pas mettre les pieds là-dedans. Et j'ai l'idée de demander à Pierre Perret s'il voulait bien être intéressé par ces bidules-là. Et en fait, c'était drôle parce qu'on avait la littérature, bonjour Pierre, quel talent, et se pencher sur notre cas avec nos bidules en images de synthèse. Et il a écrit des textes superbes. C'est-à-dire, on faisait les scénarios, on décryptait un peu l'examen, et après, dessus, il a fait la voix. Et donc ça, c'est ce qui a convaincu à la fois Canal+, et ça, il faut pas oublier Alain Buros, des programmes courts. Ben oui. Bonjour Alain. Parce que qui aurait pris quand même ces bidouilles, on ne s'attendait pas. Et lui, il l'a vu, il nous a encouragés. Après, le greffe aussi nous a suivis. On est parti pour. Et France 3 est venu en coproduction. Pierre Perret, voilà. C'était d'une évidence totale. Enfin, il a dit oui de suite. Qu'est-ce qui l'amusait? Ben déjà, ça, moi, je l'avais rencontré, je l'avais fait en tant que graphiste dans une autre vie, son coffret de 15 ans de chansons. On avait un copain, Lou, que j'avais donné, qui avait fait la cage aux oiseaux en illustration. On avait visité sa cave. sans dommage, parce que rien ne rend malade là-bas. Et c'était bien. Puis, il s'était établi une espèce de truc de confiance. Puis, quand on lui a dit, non, je crois que ça n'a pas vraiment posé de problème, mais il se retirait en Normandie, je ne donnerai pas l'adresse parce que je ne la connais pas, pour s'isoler et pour écrire quand même 50 fois 3 minutes quand même à l'époque. Ouais, c'est un gros succès, les fables géométriques. Maintenant, moi, j'ai l'impression de ça, mais est-ce que ça l'était vraiment à l'époque? Moi, j'ai l'impression que c'était une pierre importante. Enfin. Moi, je témoigne que c'était vraiment très bon. Et en plus, là, en fait, une petite anecdote très rapide. J'avoue que j'avais fait un petit court métrage en fait au début des années Super Focom et je me souviens avoir vraiment aussi pour des contraintes techniques, utiliser l'animation d'un petit renard que j'avais fait, qui s'appelait Fox. C'est rigolo que tu t'en souviennes peut-être. Mais non, on était fiers. Et du coup, c'était totalement. Et ce petit film, ouais, en fait, j'étais un petit peu super fier parce que c'était le premier film qui passait à Imagina en espèce de projection dans la grande salle. Ouais. Et voilà, n'était pas en compète, mais voilà, c'était le premier film de Super Infocom qui passait en dans la grande salle, et c'est, pour moi, ça venait totalement de l'esprit, parce que on pouvait pas animer beaucoup d'objets. À l'époque, c'était sur des vieux PC qui valaient des fortunes, mais voilà, c'était un compromis. On avait trouvé, encore une fois, que dans les fables géométriques, il y avait des choses à, voilà, l'histoire était là, les moyens collés, et en même temps, il y avait l'humour. Enfin voilà, c'était. Ah, Alexandre, j'en suis persuadé. Je voulais juste te dire, justement, est-ce que les chaînes, est-ce qu'au niveau déjà peut-être un peu de l'audience, ces choses-là, est-ce que déjà les chaînes en sont contentes et disent oh, les gens nous écrivent en disant ah, oh, c'est génial les fables, ou est-ce que on sait bien aujourd'hui que les Shadok, pour prendre autre chose complètement différent à la télé française, on aujourd'hui c'est devenu absolument mythique. On sait bien qu'à l'époque ça divisait pas mal. Donc là, est-ce qu'à l'époque il y avait une unanimité, pas d'unanimité? Ça, je me souviens pas forcément de l'accueil, on va dire, qu'il y a quelques. Il y avait eu les fables. D'abord, se comparer au Shadok, ça on peut pas. C'est trop bien, trop. Non, il a été pas mal distribué. Hein. Il pourrait être mieux distribué. D'ailleurs, on va les relancer, les fables, dans un nouveau format, etc. Mais surtout, on a eu un succès d'estime, puisque le Sigraf lui-même nous avait réservé une pièce dans laquelle il y avait trois écrans avec des coussins partout, ce qui faisait pas. Il passait en boucle les fables géométriques. Donc, il y a eu plus un succès d'estime, de professionnel, mais peut-être que nous, on n'a pas choisi non plus les bons distributeurs, et peut-être qu'aussi on n'avait pas les budgets pour faire les traductions qu'il fallait, plus la distribution. Mais pour ce qui était des fables sur le territoire français, en francophonie, les fables de Pierre Perrin, puisqu'il y a d'autres fables qui peuvent être faites, puisqu'il y a une version aussi internationale, Pierre s'est en chargé donc de la langue française et de l'argot, non Pierre, j'ai pas oublié, de la langue verte, je recommencerai plus, donc de cet ensemble-là. Mais je pense que s'il n'y a pas eu le succès qu'il fallait à l'époque, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas eu les moyens de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing, d'avoir le vrai grand diffuseur, quoi. Mais qui sait, peut-être pas. Donc l'interrogation reste. Bon, mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez énorme. Ariel, je peux me permettre d'intervenir? Bien sûr, je t'en prie. Voilà. Je remercie beaucoup pour les fables géométriques, parce que moi, je les ai découverts avec Père Perret. Ouais. Et vraiment, il avait un humour tellement profond. Et Père Perret, c'est quelqu'un de tellement généreux qu'il donne vraiment de l'impulsion à tout ce qui est nouveau. Lui-même a écrit tellement de trucs magnifiques que moi-même, ça m'a tellement bouleversé. Voilà. Je remercie beaucoup. Merci. J'ai fait mettre à ma fille quelques années après. Elle a trouvé ça magnifique. Et pourtant, les images 3D, il y en a du bon et du très mauvais. Mais le vôtre, c'est excellent. Merci beaucoup, quel plaisir. Je reviendrai ici. Hein. Mais en tout cas, le message sera passé à Pierre Perrin, à Renato, et évidemment à tous les complices qui ont fait que ces femmes ont existé. Et bientôt, je vais faire une émission totalement sur les chansons érotiques qu'il a enregistrées, tout ça. Donc, c'est juste une petite. Ça serait pas mal, hein, c'est une bonne idée. Dessous de scène. D'accord, il faudrait faire une prochaine série sur les chansons érotiques, Georges, pour Fantôme, hein, faudrait y penser ça. Mais l'image de synthèse ayant évolué et les courbes étant possibles, on le sait maintenant grâce à lui. Hein, voilà, c'est ça, on peut faire des belles choses. On va en profiter, merci, on va en profiter pour faire une première coupe musicale, et on va mettre en fait le morceau. Alors, c'est un peu particulier, j'ai décidé, j'ai essayé de me faire quelques ennemis au niveau de ma programmation musicale, mais vous me connaissez. Donc, on va plonger un peu dans l'univers de John Zorn, et on va mettre la piste qui doit être la piste 4. En effet. Non, tu sais ce qu'on va faire, on va mettre en effet la piste. Oui, mettons la piste 3 et on va revenir après. On met la piste 3 deux secondes. Bravo, bravo, bravo! Il est bien joli, ce pollen rouge! Oh! ce bleu est magnifique, magnifique, magnifique. Mon pauvre Dalton, tu ne sauras donc jamais tes couleurs. Mais si, si, si, j'y arriverai, grand artificier. Alors, papa, tu as fini la guitare de Fulgor? Bien sûr, ma petite Aelia. Elle fonctionne merveilleusement. Mais elle est exactement comme avant. J'ai opéré sur cet instrument une transformation totalement invisible. Waouh, c'est magique! Ce sera la grande surprise pour la fête des couleurs qui a lieu demain. Tu t'en souviens au moins? Sûr, sûr de sûr, j'adore la fête des couleurs. Alors, toujours bulle de rêve, on écoutait quoi, Georges? Là, je suis calé. J'hésite entre deux épisodes. Il y en a un qui se passe le soir sur la fête des couleurs. Pierre continue à jouer. Je vois les cas, images, mais j'arrive même plus à me rappeler l'épisode. En fait, donc c'est le tout début du premier épisode, la guitare à couleurs. C'est le tout début. Donc, d'accord. C'est vraiment le tout début d'un secteur dont on va parler juste après la musique, mais c'est vraiment les tout débuts d'un secteur. Ah, merci, émotion. Enfin, pour moi, c'est, je ne sais pas si Alexandre vit un peu les mêmes choses que moi et tout, mais je regarde ça avec émotion, mais en même temps, j'ai envie de passer à autre chose. Bien sûr, on va en parler c'était justement. C'était quelque chose d'ancien. Faut signaler que l'audience avait été un peu fixée. Comme Tintin de 7 à 77 ans pour les prétentieux, mais comme nous ne l'étions pas, c'était plutôt prévu entre les 7, 13, 14, quoi, à peu près. Il a débordé son audience, oui. Parce qu'il y a eu d'autres appels, mais c'était un peu le deal, quoi. C'était en moyenne 10, 11. Aujourd'hui, on dirait 8, 9. Donc, ils ont évolué. On va faire une pause musicale cette fois-ci, vraiment. On va revenir après et on va parler d'un secteur et bien évidemment de tout ce qui est avenir de Fantôme. On revient. On va écouter donc cette fois-ci la piste 4. C'est John Zorn, grand roi de l'improvisation, grand saxophoniste new-yorkais, qui va. Vous allez voir, c'est une version de Giulia Testa. Il était tout à la Révolution dans Ennio Morricone. Un petit peu particulière comme John Zorn sait les faire. On écoute ça et on revient juste après. C'est un tout petit peu plus long. Il y a très peu de coupures musicales, mais voilà, j'ai voulu faire une coupure un petit peu plus longue cette fois-ci. Donc on écoute ça. Merci. Thank you. Exactement. Et voilà, vous savez que c'est en direct. Mais Georges nous raconte. Mais c'est bien, on est content parce que nous, on a droit à plein d'anecdotes. Je suis désolé, mais ça fait du bien quand même d'avoir de la musique. Mais là, on parlait de Miyazaki, on parlait de plein de choses. C'est incroyable. On va avoir plein d'anecdotes à vous dire. Est-ce qu'on peut quand même. Allez, on va juste. Parce que ce qui est intéressant. Ariel, est-ce qu'on peut mettre le cinquième extrait ? Ouais, s'il te plaît. Cet insecte essoufflé à la recherche de Monseigneur Crabeau ne sait pas qu'il est en avance sur le tournage d'une série en train de naître. Il arrive dans la cité troglodyte et... Oh ! Horreur ! Les décors sont à peine esquissés. Heureusement, le storyboard va le guider dans les profondeurs crépusculaires du repère des Burks vers la grande salle du trône. Il passe sans façon entre les deux frères Buton. Monseigneur Crabeau ! Monseigneur Crabeau ! Monseigneur Crabeau ! Eh bien, une seconde ! Monseigneur Crabeau n'en est encore qu'à l'état d'étude. C'est le crayon qui va tout d'abord lui donner sa forme et son caractère. Son caractère méchant, fourbe, ambitieux et petit. Oh, tout petit. Oui, mais je suis le chef. D'après les dessins définitifs, on réalise une maquette en volume qui permet d'enregistrer dans l'ordinateur toutes les coordonnées du personnage en hauteur, en largeur et en épaisseur. On obtient alors un maillage en fil de fer. Fil de fer, fil de fer. Est-ce que j'ai une tête de fil de fer? Oui, bon, fil de fer, disais-je, qui permet de visualiser le personnage sous tous les angles. On habille ensuite ce maillage pour donner à la marionnette tout son volume. Un grand choix de couleurs et de textures va permettre de finaliser l'aspect du personnage. Un peu de bleu ici, beaucoup de violet là, et puis hop, une pointe de jaune. Ça va pas, non ? Je hais la couleur ! Voilà, alors, c'était quoi exactement ce qu'on vient d'entendre ? C'est le making-of, en fait. C'est grâce à ce genre de pilote que l'on peut vendre la série à des chaînes pour les convaincre que ils vont pas acheter du matériel galvaudé ou pas. Enfin bref, on l'espère. Et donc ce making of qui durait 7 minutes, on l'a complètement triché puisque on pouvait pas faire 7 minutes d'animation en synthèse. Parce que dans ce cas-là, justement la différence entre de la 3D et de la 2D, c'est qu'en 3D, c'est un peu comme des marionnettes. C'est en fait, si on fait tous les personnages, c'est le plus lourd et après on les réutilise comme dans des marionnettes. Alors qu'en 2D, c'est linéaire, faut toujours animer. Donc, on n'a pas pu faire 7 minutes. Alors, on a bidouillé. Il y a des dessins qui sont mélangés avec des trucs de palette. Enfin, il est visible sur le premier ou deuxième coffret de la série, qui est difficile, qui est trouvable encore un petit peu. Et allez, je vais vous le dire. On est sur YouTube. YouTube, vous faites un secteur, il y en a 3-4 pages. Enfin, il faudra peut-être qu'un jour. Tous les épisodes sont sur YouTube. Enfin, de tout, il y a de l'anglais, etc. Bon, ça n'a pas de conséquences puisqu'il n'y a pas haute définition. Donc, laissons The Cloud, comme ils disent les Américains aujourd'hui, le nuage faire son effet. Ce qui est très étonnant, c'est les commentaires. Il faut que tu regardes parce que les commentaires sont absolument touchants parce que tout le monde dit, les commentaires sont oh, c'est une série incroyable que j'ai vue quand j'étais petit, en anglais, hein, que j'ai vu quand j'étais petit, merci pour l'avoir mis. Oh, je me rappelle de cette série, elle était incroyable, elle a bercé toute mon enfance. Enfin, c'est touchant et ça nous fait plaisir. Un cri du cœur par rapport à ça. Je touche du bois et je croise mes doigts, il n'y a pas de caméra, mais je vous jure que je le fais. Et on devrait les ressortir, là, ces épisodes-là, même dans un format un peu agrandi, puis avec les nouvelles normes de son, etc., y compris les fables. Donc. Si vous voyez une cathédrale, n'oubliez pas de porter un siège pour moi. Pierre, justement, j'avais une question à propos de ça, qu'on veut ressortir, par exemple, un secteur où les scénarios sont déjà faits, les voix sont déjà faites. À l'heure de la HD, est-ce qu'on ne peut pas imaginer tout refaire, en fait, tout re-shooter en HD en lançant juste... Oui, sauf qu'on ne peut plus parce que le logiciel qu'on utilisait, c'était à la fois Explore, qui était le merveilleux logiciel qui n'existe plus, qui a été racheté, et Softimage. Et les bases de données, on ne peut plus. Par contre, on peut prendre les images les resizer, ça s'appelle, en recadrant dedans, dans un format, pas la full HD, ne rêvons pas quand même, ça va pas tenir, mais une HD, un format 16/9, et on va travailler là-dessus. Donc ça réimplique de recadrer les images, puisqu'on se retrouve dans un format panorama, par rapport à un format qui est de 1:33. Et on devrait les ressortir. On travaille là-dessus. Mais oui, par exemple, si la série avait été faite sous 3DS Max et aurait pu être réexportée à l'heure actuelle. Ben non, parce que les évolutions aussi de 3DS Max entre le premier, par exemple Kaena, c'est plus du tout la même chose quand on est arrivé à des versions de Max. Et là, c'est pareil. Même si on avait les bases de données, il faudrait qu'on retrouve les indies parce qu'on travaillait sur à l'époque. Pardon, je vais parler un peu en jargon, mais c'était le plus gros. C'était SGI, c'était des grosses machines. Enfin, le challenge, c'était une grosse armoire normande avec des cartes graphiques qui étaient grandes comme des plateaux. Ouais, voilà. C'était les Silicon Graphics. Les vocations même d'Explore sur lesquelles j'ai fait mes premiers films d'étudiants. Il y avait des PC avant et puis après ça a été Explore qui était une grosse révolution. Mais c'est vrai que oui, après tout ça, c'est à mon avis des soucis de format, de passage. Mais je pense que déjà alors, c'est de les voir. Non mais absolument. En bonne qualité, si c'est de la HD, c'est à la rigueur, mais en tout cas l'important c'est déjà de pouvoir les acheter même sur en DVD. Pour l'instant, c'est voilà, c'est mais ce que dit bien en gros, c'est que si on prend Toy Story qui vont ressortir en 3D relief, ils ont toutes les bases de données, ils travaillent toujours avec un logiciel aussi qui pour part et leur même sur Enderman, ils ont les ordinateurs. Donc malheureusement pas, si on avait la source, ça serait encore mieux. Quoi, ça c'est sûr. Expliquer que ça avait déjà été Annecy explique même pour Toy Story, ça avait été plus compliqué. Complexe parce qu'il y avait certaines parties qu'ils n'avaient plus. Mais je crois qu'ils ont perdu des bases de données. Donc ça avait été même déjà très complexe alors que ça date d'il y a pas si longtemps finalement que ça. D'ailleurs, sur ce sujet, je voulais parler. Je ne sais pas si vous connaissez le studio Rockstar qui fait des jeux vidéo, par exemple, qui a fait GTA et aujourd'hui Red Dead Redemption. Ouais. Et on discutait justement avec un ami sur le fait qu'ils utilisent le même moteur et au fur et à mesure des années, en fait, ils l'améliorent. Et ils arrivent à ressortir un jeu qui plaît à tout le monde parce qu'ils ont développé ultérieurement des choses qui marchent bien. Par exemple, Pixar, à mon avis, ils utilisent le même moteur et ils l'ont amélioré. Sauf qu'ils disaient même pour Enderman, par exemple, en effet, où les choses qu'ils ont créées, exactement, ils ont pu perdre quand même à une époque des. Et je comparais par rapport à une société aujourd'hui qui se créerait et qui voudrait faire de la 3D et qui n'aurait pas un moteur. Comment elle pourrait réussir à rattraper ce retard de développement sans investir énormément pour obtenir en fait la même qualité de rendu qu'une société qui existe depuis longtemps et qui a eu le temps finalement de... Alexandre ? Non, enfin, je juste pour réagir sur ce que dit Pierre, je pense que le suivi technique, enfin disons même maintenant, je dirais pour une société qui commencerait maintenant, il y a tout à fait même moyen de faire des choses avec des outils qui sont en communautaires comme Blender ou autre et qui, à mon avis, par rapport à un rendu, je pense pas que ce soit actuellement la difficulté sur une société, le rendu par lui-même, parce que je pense qu'en fait c'est pas ça, je dirais que l'aspect concurrentiel entre les sociétés maintenant, c'est pas ça, je pense que c'est plus un savoir-faire, c'est aussi pour ça que je pense qu'en fait c'est vraiment ce que va traiter la société, ce qu'elle va faire comme choix artistique ou de tout bêtement de fiction ou de choses comme ça. Maintenant, par rapport à un développement technique, je pense pas que ce soit ce qui se passe à l'époque où effectivement il fallait injecter des millions dans des machines. Je dirais que même maintenant sur un film, on fait un court métrage par exemple, c'est pas le coût du matériel, des logiciels, c'est pas forcément ce qui représente la chose la plus importante alors après pour une société, je pense encore moins. Dans l'expérience du jeu vidéo, en tous les cas, moi je vois une petite société qui utilisait en fait des moteurs du genre de Half-Life ou donc des moteurs préexistants, mais à chaque fois tous les deux ans fallait se réadapter au meilleur moteur qui était créé. Ouais, après c'est sûr. Enfin, moi, je connais pas du tout les sociétés de jeux. Je suis pas du tout joueur. Il y a quand même une différence, puisqu'un moteur de jeu vidéo est fait pour le jeu. C'est-à-dire, il est basé sur du temps réel, sur des low polygones. On travaille sur un moteur de jeu. C'est effectivement un groupe de recherche. Mais tous les grands studios aujourd'hui qui sortent des images un peu différentes des autres, comme dans Shrek, par exemple, ils ont fait des tests. Il y a un épisode de Shrek où, dans un tonneau, on sent le bouchon et il y a la bière qui coule à flot. Et à un moment donné, il y a de la bière qui rencontre du sable. Et ben là, il faisait des tas de tests avec une boule simulée virtuelle pour voir comment on pouvait obtenir. Donc, la qualité des images, comme dans le studio Blue Sky, par exemple, mais se sont développés maintenant sur l'image. C'est-à-dire, ils ne développent plus dans les algorithmes profonds, mais une fois qu'ils ont les algorithmes, ils développent des effets. Et des effets spéciaux, mais des effets en 3D. Et par exemple, dans Blue Sky, les derniers qu'ils ont sortis, il y a un développeur, j'ai oublié, qui est un monsieur absolument formidable. Enfin, Blue Sky est un de mes studios préférés d'ailleurs, et qui lui donc Blue Sky gère... juste pardon, excuse-moi. Ah oui, Blue Sky, c'est l'âge de glace, notamment un robot, ça oui, robots, etc. Voilà, etc. Oui. Et Horton, enfin, entre autres. Et donc, eux ont vraiment un studio de développement dans la maison. C'est-à-dire que, si je reprends la vieille anecdote d'un John Lasseter faisant son fier à imaginer, en disant, moi, le développement, je m'en fous, sauf qu'il avait... c'était Ralph, je sais plus quoi. Il est surtout, il avait un directeur du développement qui avait développé, je ne sais pas pour ceux qui ont vu Luxol Junior, c'est une lampe, ouais. Père ou mère, on ne sait pas, son fils qui joue avec un ballon. Et à un moment donné, la balle, ça a été un des premiers blurs. Autrement dit, la description du mouvement, c'est-à-dire quand une balle bouge et qu'on la regarde au cinéma, par exemple, en tournage traditionnel, on a un flou derrière. Et le premier qui avait développé cette sensation de flou, c'était son développeur. Donc, il pouvait très bien dire, il allait le voir, il dit, voilà, il me faut du flou ici, et l'autre le développait. Donc, les chercheurs étaient devenus des créateurs au service de l'image et travaillaient avec des réalisateurs. Et c'est ce qui est un peu la différence avec un moteur de jeu où il y a aussi toujours des développeurs, quoi. Alors, à ce propos, juste petite anecdote. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion pendant pas mal d'années de bosser dans un studio McGufflin, ouais. où j'arrêtais pas de voir aussi Fred qui s'occupait du développement, qui était pour moi quelqu'un. Enfin, je lui avais dit plus d'une fois. Il disait toujours, mais vous, c'est vous les créatifs, nous. Et en fait, je le voyais quand il développait en fait au fur et à mesure des demandes que nous on avait. Par rapport à des plans rencontrés, des choses comme ça, sur ce qu'on traitait, soit en pub, soit en... Et moi, j'arrêtais pas de lui dire, parce que j'en avais conscience, et je trouve, et je prête toujours le même discours, parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Je pense que ces gens qui développent des algorithmes, qui développent, qui utilisent pour moi de l'informatique, mais au niveau programmation, ils sont créatifs au même titre que les gens qui utilisent parce que pour moi il arrêtait pas de prétendre aussi il y avait plein de bugs dans le logiciel maison de MacGuff et autres et pour moi ces bugs ou ce côté qui considérait comme étant ce qui faisait que le logiciel pouvait pas se vendre à l'extérieur pour moi c'est ce qui faisait l'aspect artistique du développement qu'il faisait avec ses autres camarades et pour moi vraiment enfin j'avais notion que c'est aussi ce qui faisait finalement la différence en termes de alors il y avait peut-être des verrues à droite et à gauche mais il y avait des choses vachement bien qui permettaient d'aller plus vite sur des et pour moi ça fait aussi partie de l'aspect créatif que d'avoir des gens développeurs alors c'est sûr toutes les sociétés peuvent pas se permettre d'avoir des développeurs à l'année qui travaillent sur des corrections des ajustements ou des même, j'irais même l'ergonomie d'un logiciel qu'on utilise tous les jours pour plein de gens qui l'utilisent, c'est extrêmement important et ça, et donc il n'y a pas à assumer à un moment donné, vous êtes les créatifs et nous on est les développeurs informaticiens, non, ces gens-là faisaient aussi pour moi de la création mais vous voyez bien sur quel aspect je veux dire, c'est qu'à un moment donné la responsabilité d'utiliser d'une création ou d'une liberté créative, elle vient aussi des programmeurs qui programment un logiciel ou un soft de telle ou telle manière, voilà, parce que ça vient de l'humain. De toute façon, est-ce que la technique en animation est Florentine qui a pas parlé un bout de temps est-ce que c'est pas un petit peu je veux dire, un peu partout et c'est un peu dans l'animation et même dans le cinéma oui, en général de toute façon hein. Qu'importe la technique, il faut ajuster après à son propos et trouver toujours des petits trous. Enfin, la bidouille existe partout. Hein, est-ce que quelqu'un comme Florence, qu'on va recevoir la semaine prochaine, par exemple, tu as eu même comme professeur ou quoi, forcément, c'est des gens qui, d'un seul coup, peuvent vous donner des petits trucs qui ont été donnés par d'autres, etc. Que ce soit en sable animé, sur l'écran d'épingle ou avec un ordinateur, je pense qu'il y a toujours, effectivement, techniquement, l'humain fait évoluer la technique. Après, c'est vrai qu'on a l'impression, Pierre, c'est un peu ce qu'il voulait dire, on a un peu l'impression qu'au niveau de la technique de synthèse, ça évolue très très rapidement. On a l'impression, effectivement, tous les 6 mois, il faut changer les ordinateurs, il faut... c'est vrai que l'évolution est beaucoup plus rapide par rapport à la peinture animée qui a peut-être stagné pendant des années, quoi. C'est vrai que, voilà, on a ce terme d'évolution qui est très important et qui fait peut-être... c'est quelque chose peut-être de moins abordable pour quelqu'un qui commence aussi, cette technique 3D. Oui, mais je crois qu'on peut faire tout, en fait. On peut faire tout. Si on veut, aujourd'hui, c'est ça la formidable possibilité qu'on avait par rapport à, au début quand j'étais passionné. Si vous vouliez faire un petit film, il fallait connaître le studio qui allait développer votre pellicule en 16 mm. Ensuite, il fallait passer sur un montage, truca ou pas, en fonction de ce que l'on avait fait. Puis pour la musique, il fallait encore aller dans un autre studio pour trouver un support pour le graver. Aujourd'hui, je crois que tout le monde, là, tous les gens qui nous écoutent et qui sont passionnés, dans une boîte, vous pouvez tout faire comme le signalait Alexandre. C'est un fourre-tout, ça mange tout, du scanner, de l'appareil photo, du MP3, on peut aujourd'hui faire son film tout seul à condition de ne pas vouloir faire le nouveau Shrek 4 ou 5. Mais dans des studios d'ailleurs qui sont à citer, il y a Buff Company aussi. Ils n'ont jamais arrêté de développer Buff Company. Aujourd'hui, Durand Dubois aussi en France développe. Il y a Cube aussi qui travaille beaucoup sur des développements par rapport à ce qu'on appelle la 3D relief. Donc là, je suis totalement d'accord avec Alexandre. Les développeurs sont des gens extrêmement modestes, à mon avis, mais ce sont des vrais créateurs, car ils arrivent à amener une magie que vous n'aviez pas. Des fois, ils jouent le chef opérateur, quelquefois, ils jouent l'animateur supérieur. Tous les compositing qui sont faits à Wita aujourd'hui, les jeunes compositeurs, ils travaillent pratiquement qu'au clavier, sur les compositions d'images, hein, des fois jusqu'à 40 couches possibles pour fabriquer une vague ou autre chose. Et dans l'âge de glace, le développeur, un mammouth, vous le prenez, vous le trempez dans l'eau, comment sont les poils? Ils ont développé. Un mammouth, il y a du vent, vous développez les poils. Un mammouth, il y a de la neige, les poils se collent dessus. L'eau, ça dépend. Vous voulez de l'eau d'où? Du pôle Nord? Vous voulez de l'eau d'un ruisseau? Vous voulez de l'eau claire? Ils ont développé tous ces algorithmes-là, ce qui fait que ça amène, comme disait Alexandre, une magie supplémentaire. Alors, Alexandre, ensuite Ariel. Alors, pour réagir à la fois sur ce qu'a dit Florentine et Georges, en fait, c'est vrai qu'actuellement, en fait, j'ai l'impression que on peut faire énormément de choses en synthèse. Et finalement, je pense que l'important, c'est probablement de pas imaginer qu'on peut tout faire. En fait, je pense que c'est au contraire maintenant, et moi, je pense avoir même, j'arrête pas de passer mon temps sur Vimeo, par exemple, où il y a une explosion de tout un tas de choses. Et là, ça ferait le sujet de, peut-être d'une prochaine émission. Mais c'est là où moi, j'ai un vrai espoir aussi sur le fait, et pour moi-même aussi, de réapprendre l'outil 3D en logiciel de synthèse après avoir fait d'autres choses et qui m'ont au contraire lavé un peu de ce côté surenchère de la synthèse. En fait, j'ai plutôt envie maintenant d'y revenir, mais avec une autre notion, la notion même du choix, justement, le fait même que comme on peut tout faire avec ces outils-là, la vraie notion importante à avoir, c'est la notion d'auteur, c'est-à-dire du choix. C'est-à-dire si à un moment donné on fait pas le choix parmi plein de choses, en fait C'est le problème principal des étudiants qui commencent en images de synthèse, c'est que finalement c'est une espèce d'énorme boîte qu'on ouvre, et cette espèce d'ouverture un peu si elle n'est pas fermée par un angle d'attaque d'auteur ou de raconter une histoire, en fait elle devient très très vite totalement folle et voire même pour aussi être passée par ces étapes là de ne rien pouvoir faire avec, c'est-à-dire tout permet rien, en fait. Et en même temps, ce choix, à un moment donné, qu'il faut absolument faire avec ces outils-là, qui permettent énormément de choses, c'est vraiment c'est obligé et obligatoire et important. Le débat est lancé, donc il y a plein de monde. Donc Ariel veut parler, je vois Florentine qui donne ligne de la tête depuis tout à l'heure, Georges aussi veut dire. Alors, et il y aura un téléphone, je suis sûr qu'il y aurait plein d'auditeurs. Eh ben, rappelons le numéro de l'auditeur, c'est 01 43 60 42 41. Oh, j'ai plus. Enfin, ce que je voulais dire, il y a un réalisateur fabuleux américain qui s'appelle Raph Basky, qui a fait des trucs magnifiques en mélangeant le Fritz the Cat. Et même il y a aussi un que je ne sais pas si vous connaissez, Flipper City. Oui. C'est génial. Et aussi le Seigneur des Anneaux. Il a fait aussi. C'est quelqu'un qui a essayé de mélanger, mais comme il était très en avance sur son temps, les films se sont perdus dans des méandres comme ça. Et c'est quelqu'un qui était hyper fabuleux. Je te trouve un tout petit peu. Bakshi aujourd'hui est quand même reconnu. Il a fait Tigra, qui est sorti en DVD. C'est l'un des auteurs. Il se relance. Là, c'est d'ailleurs Roberto Rodriguez, que vous connaissez peut-être, Sin City, etc., va faire un remake de Tigra, mais visiblement peut-être en prise de vue réelle, pas forcément en image en animation. l'expression, mais en effet, Ralph Bakshi est l'un des grands réalisateurs qui a notamment, lui, à l'époque, travaillé beaucoup avec la prise de vue réelle, et le Seigneur des Anneaux était, c'était le grand, grande époque où on utilisait de la vidéo, notamment, et qu'on mélangeait les images. Tout à fait. La seule chose qu'a reproché Robert Crumb à Ralph Bakshi, c'est qu'il a, il a adapté de Fritz the Cat au cinéma. Il était obligé de tuer Fritz the Cat parce qu'il n'a pas aimé l'adaptation. Ah, il a même détesté l'adaptation. Oui. Et pourtant, le film est fabuleux. T'as un humour que vraiment. Après, c'est un auteur, c'est toujours difficile. La relation entre auteur graphique et réalisateur est difficile. Georges, je crois que tu voulais dire quelque chose en réaction à Alexandre après. Non, en complémentarité. C'est-à-dire que vous pouvez faire une choucroute d'Aube à l'Armagnac cassoulet dans la même marmite, ça c'est clair. Vous pouvez faire de l'écœurant, du dégoûtant, ça c'est clair. Donc le choix éditorial est important. Vous avez envie de dire quoi? Et là, je voudrais me rappeler, je ne sais pas tout le monde, mais j'ai une admiration pour le dessinateur Steinberg. C'est un Steinberg qui nous a quittés. C'est un monsieur qui donne de l'émotion avec un bout de papier et un crayon de papier. Et ça, c'est formidable. Et malgré qu'il y a eu la peinture à l'huile, l'acrylique, qui a eu toutes les évolutions, il est resté à son papier, son crayon, et de temps en temps, un petit bout de crayon de couleur de ci, de là. Donc, je crois qu'il faut garder en tête ce que vient de dire Alexandre. Essayez d'abord de faire ce que vous avez envie de dire, et peut-être qu'un cube bien animé peut faire rire. Ça, c'est, on en est persuadé. Ah ouais, c'est ça qui est compliqué quand vous avez des gens passionnants, c'est quand vous êtes un animateur, vous avez un plan en tête et vous dites bon, alors on va d'abord parler de ça, on va parler de ça, et puis d'un seul coup ça part et puis vous dites non, je peux quand même pas les couper au moment où ils parlent de ça, et donc vous vous retrouvez avec un débat qui est complètement parti là où pas où vous ne pensiez recentre. Non, c'est pas très grave, c'était juste que en fait ce que je voulais on va continuer, on va pas encore mettre de musique, on va, tant pis, genre c'est passionnant, donc voilà. Ce que j'aurais bien aimé quand même avant de passer au futur de Fantôme, c'est juste que tu nous dises un secteur. Quelle était la genèse, la genèse d'un secteur, vraiment, quelle était l'envie au départ, comment ça s'est lancé un secteur et comment ça a eu ce succès, alors là avec de nombreuses récompenses, ça a été absolument partout, aux États-Unis, est-ce que je sais pas si c'est passé au Japon, mais en tout cas c'est vraiment passé dans énormément de pays, donc là ça c'est vraiment quelque chose qui a été énorme. Tu te rappelles du début d'un secteur? Ben oui, c'est très vite, hein. J'avais un projet de faire un film sur des robots à l'époque. Renato avait un projet de faire un film sur des insectes, d'accord. Et déjà par politesse, je me suis dit, en fait, l'idée de Renato, peut-être que les insectes, c'est plus vivant que des robots. Et puis, dès que j'ai appris qu'il voulait faire robot, on a rangé nos cahiers. Hein, j'avais acheté plus de 40-80 bouquins sur les robots et tout. On l'a laissé à la poubelle. Et dans Insectors, au tout début, c'était parti pour des insectes dans un bois, genre un peu ce qui est sorti après, Fourmise, Mille une pattes. Et puis, on a été le travailler ensemble. Et le secret, c'est simplement Jean-Yves Rall, Renato, Georges Lacroix, sont partis à Center Park pendant 4 jours, avec le droit d'aller se baigner qu'après la journée. Donc, dans l'appartement qu'on avait loué, le bout de vilain, il y avait des dessins partout. On était partis sur le thème, et vraiment en déconnant, en s'amusant. Petit à petit, c'est né. Puis après, on a fait venir des scénaristes pour aller plus loin. Mais on avait bâti les bases à 3 pendant 4 jours de séminaire, en fait, avec des bouts de papier, des crayons. Les décors, c'est l'intérieur de Center Park, alors. Non, mais alors, justement. Ils ont voulu nous racheter la grande souche, mais ils n'ont pas mis le prix. La question est que quand les fables géométriques commencent à être développées aux alentours de 88, en 89, là, le développement et le pilote de certains secteurs, c'est 90 à peu près. Donc il n'y a que 2 ans finalement. Pourtant, on sent une différence. Moi, j'aime beaucoup les fables géométriques, toujours. J'ai une tendresse particulière, mais c'est vrai qu'un secteur, d'un seul coup, au niveau évidemment des couleurs, au niveau. C'est-à-dire qu'il y a le bond technologique là en 2 ans. Pour rappeler un peu aux gens, est tellement énorme que vous dites, alors là, on va avoir encore plus de couleurs, on va se permettre d'avoir plus de personnages, ça va être un petit peu plus, les mouvements de caméra vont être encore un peu plus poussés, ou non, vous pensez même pas à ça, et vous êtes juste dans, encore une fois, la création, vous dites, allez, on va s'amuser, on va se faire la série qu'on a envie de faire. Non, c'est une bonne remarque, mais en fait, les fables, si vous les regardez, entre la première fable et la dernière, vous avez une évolution. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un truc nouveau, par exemple, il y a une femme qui s'appelle le pot de terre et le pot de fer. Et là, Explant, il venait de développer un logiciel qui était une espèce de boîte où on pouvait faire ce qu'on appelle du stretch et squash. C'est-à-dire, on pouvait déformer des objets avec une boîte. Et ça, on s'en est servi. C'est-à-dire, dès que la technologie arrivait, permettait et que ça correspondait à notre projet, on avançait. De la même façon, dès que les bumps étaient améliorés, hein, les bumps, c'est-à-dire le rendu de matière pour faire soit comme de la pierre ou des textures. Et on a évolué. C'est-à-dire qu'entre la première et la dernière, si vous le regardez, on a suivi l'évolution qu'il y avait sur les logiciels pour les prendre à notre compte. Et plus ça avançait aussi, plus les calculs étaient rapides, plus la même image que l'on faisait il y a 3 ans, on reprenait la même, on la calculait plus qu'en 30 secondes, alors qu'avant, il fallait 5 minutes. Donc, on a suivi ça, parce qu'on avait aussi des développeurs. On avait Benoît Dehaene, qui était un des développeurs. On avait un autre camarade, qui est maintenant à Los Angeles, qui s'appelle Fred Thévenet. Et eux étaient à l'affût pour développer. Par exemple, dans un secteur, on n'avait pas de feu d'artifice en boîte. Donc, on leur a demandé à l'époque de développer un feu d'artifice avec des particules. Donc on avait, nous, à notre petite échelle, disons, des développeurs. On avait un bureau de recherche et de développement. Quoi, donc si gros. On regarde, en effet, c'est passionnant comme question. Si on donc, regarde et voilà. Les fables et même un secteur, donc on peut avoir une voilà. Vision du développement. Donc en fait, si on regarde la première et un secteur, on voit un gros bond. Si on prend la dernière et un secteur, on voit un bond moindre, quoi, puisqu'on avait. Et puis, entre-temps, ce qui était important, c'est qu'on avait vraiment réussi à fédérer une équipe. Il n'y a qu'une personne qu'on regrette, mais on aurait bien aimé travailler avec Alexandre Dubosc à l'époque. C'était un peu l'esprit. L'idée, non, c'est tout à fait. Mais c'était ça, c'est-à-dire c'était un studio. On avait des sculpteurs, des dessinateurs, les sculpteurs ayant fini leur modèle, on parlait aux gens qui faisaient de la modélisation, qui en parlaient. S'il y avait un problème, on avait les développeurs sous la main. C'était une espèce de studio comme aujourd'hui. Je crois que ça doit être très difficile. Peut-être Buffle réussit en France, Durand Dubois, mais c'était un studio. On avait toute la palette des talents dont on a besoin pour créer un film, quoi. La série a gagné un Emmy Award aux États-Unis, oui. Prix, ça surprend. Oui. C'est une question bête, je sais, mais on est juste. Vous étiez tellement dans votre série que vous rendez compte quand même de l'impact international que ça a. C'est toujours pareil, les prix. D'abord, il y a plein de gens qui disent les prix, je m'en fous. Oui, peut-être, mais moi j'ai un prix déjà. Ça mobilise tous les gens qui ont travaillé avec vous, sont contents parce qu'il y a une espèce de reconnaissance. Surtout les prix qui viennent du public, ou les prix faits par des confrères, par exemple, ou les Emmy Awards. C'était la première fois qu'un film dédié à la jeunesse, parce qu'il n'y a pas la catégorie animation ou 3D dans les Emmy, et donc c'était pour les programmes jeunesse. Et on était la première fois qu'un programme jeunesse était récompensé dans les Emmy Awards. Alors quand vous êtes dans un Hilton à New York avec Alain de Greff, Françoise Raymond, que je salue ici, qui nous a aidés, qui sont entourés d'une table et que vous savez pas si vous allez l'avoir quand vous entendez votre nom, vous êtes comme KO, quoi. Ouais, ça doit être très impressionnant. Non, je ne croyais pas, quoi. Jusqu'au dernier moment, il y avait encore plus en décombre. Et c'est qu'après qu'on réalise, mais on réalise surtout à quel point les gens sont sensibles maintenant. Dès qu'on veut parler de moi, on me dit, ah oui, vous avez les Emmy Awards. Il n'y a pas que ça, mais bon, comme quoi, si, c'est important. C'était quelque chose qui, après coup, on n'a pas travaillé pour ça, hein. Oui. C'est clair. C'est vrai que c'est d'abord, important d'abord, tu peux pas rêver à ça. Mais quand c'est arrivé, vraiment, ça a été un vrai encouragement pour continuer, oui. Alors, il y a 2 saisons. D'un secteur, un spécial Noël, et on va surtout parler des choses qui sont agréables, on va pas trop parler des choses qui fâchent, mais Fantôme s'arrête un petit peu plus tard, en 99, oui. Rapidement, malheureusement, parce que ça commençait à très bien marcher. 96, c'est le spécial télé, TV, c'est ça, donc un secteur, tout va bien, il y a les... Girafe de Mordillo qui rentre en jeu, ouais. Donc et puis, tu connais mieux le projet que moi. Et puis donc 99, c'est un peu dur là, parce que tu vas nous dire, il y a marqué fin de l'histoire là sur le truc, mais on n'espère pas, ça va revenir. Non, pour le faire très court, parce que sinon ça, je développerai peut-être ça dans un livre sur 25 ans d'histoire de Fantôme que je dois préparer là pour l'année prochaine. Mais j'ai pas envie trop. Non, il y a un ami qui était Carl Rosendahl, qui avait fondé PDI, qui est devenu DreamWorks, et Katzenberg a piqué, disons-le carrément, ce truc à Rosendahl. Quand je l'avais revu, il m'avait dit, pardon, je le dis en anglais d'abord, parce que ça se dit mieux, puis je le traduirai, mais je lui avais dit, alors Carl, tu viens de perdre ta société, il m'a dit, never explain, never complain, just go forward. Autrement dit, te plains pas. Ouais. N'explique pas et continue. Voilà. Donc, non, c'est une société belge qui en avait plusieurs prétendants pour reprendre et pour investir dedans, dont une qui s'est proposée, que l'on avait soutenu à ses tout débuts, qui s'appelait Neurone à l'époque et qui est devenue Neurone Planète. On a cru tomber sur des amis qui allaient prendre soin de nous. Puis au bout de 6 mois, ils ont viré tout le monde et tout. Donc eux-mêmes, ensuite, ont été liquidés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux reprendre le nom, la marque et l'image. Quoi. Alors, en fait, voilà. Repartons donc. En effet, maintenant, hein. Sur le mieux. Non, mais on te réinvitera. Et puis, c'est les choses, forcément, pas les plus agréables. Non, ça sert à rien, comme tu dis, de les développer. Ouais. Ce qui est intéressant, et pourquoi aussi, c'est vrai que quand, avec Florentine... On a parlé des émissions et on s'est vu à Annecy, Georges, et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était une bonne idée, justement parce que tu as l'envie aujourd'hui de relancer Fantôme. Ça pourrait se passer comment? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en place ou comment parce que là ça y est, ça c'est très intéressant pour les gens juste qui voudront en savoir encore un peu plus. Il y a toute la conférence que tu as fait à Stuttgart qui est disponible en ligne, donc je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Mais déjà, donc, le possible avenir de Fantôme aujourd'hui, c'est quoi? Déjà, il a fallu que les auteurs, surtout Renato par exemple pour Insectors, plus Jean-Yves Graal et les scénaristes, me fassent confiance, et ils l'ont fait, pour qu'on puisse opposer au liquidateur pour récupérer nos droits, et on a gardé nos droits d'auteur. Et eux me font confiance pour qu'on remette dans Fantôme, refaire les contrats, etc. Parce que la première chose, c'est le respect des auteurs et des droits d'auteur. Donc j'ai cette confiance, c'est formidable. Reprendre le logo maintenant, on a le droit, et là, il va être fondé une société, qui va être une société dans laquelle on compte bien sûr faire rentrer des investisseurs qui seraient intéressés, parce que le projet est un peu ambitieux quand même, hein. Mais ça repart déjà avec l'idée de relancer, comme le disait Pierre tout à l'heure, de relancer à la fois Insectors, parce qu'Insectors, le format, les formats format de son, des prêts à diffuser, tout ça a changé, donc on a le refaire pour les femmes géométriques aussi, avec le respect toujours des auteurs. Et ça, c'est pas le principal, mais ça nous tient à cœur, et surtout quand on voit plein de gens qui nous disent que c'était si bien. Alors, on est conscient que ça sera pas le principal. Mais pour le reste, pour le devenir, c'est de construire quelque chose où, comme Monsieur Jourdain, en fait, on ne savait pas qu'on faisait de la prose. Nous, on ne savait pas que l'on faisait du transmédia. Vous connaissez tout ce nom à la mode, qui veut dire qu'à partir d'un projet, on peut en faire plusieurs. Et nous, on avait toujours rêvé, à partir d'un secteur, de le décliner dans un album de bande dessinée. Ça date pas d'aujourd'hui, je vous apprends que ça s'apprend du transmédia, plus un jeu vidéo. Justement, je rencontrais Philippe Ulrich, qui a été un des grands fous du jeu vidéo, pour travailler sur tout ça, pour faire un développement en parallèle, parce que ça nous passionne. Moi, j'ai quand même vécu mon enfance dans la BD. Bon, Insectors, je pense que on doit être lucide et quand même revenir dans ce nouveau monde de la 3D, compositing, des effets spéciaux, comme le souligne Alexandre, et comme l'utilise Florentine. On ne peut pas reprendre Insectors comme il était et le remettre aujourd'hui et faire un long métrage. On doit améliorer les designs, on doit être conscient de tous les effets qu'on peut avoir, on doit écrire avec l'idée qu'on peut ramener plus de magie. On peut aujourd'hui ne pas s'interdire de mettre des vaisseaux sur de la mer, parce que la mer, on la domine à l'époque, c'est pas question. Donc, avoir la lucidité que Fantôme, techniquement, on doit le faire évoluer, encore une fois, l'ambition, j'espère que c'est pas une prétention, d'amener toujours la volonté de trouver des très bons designers qui vont nous aider à fabriquer un monde inspiré du précédent pour le faire. Mais surtout, le plus important, ça va être l'écriture. Parce que on a déjà fait un peu des tests et on a déjà remarqué, apparemment, le concept et l'idée d'Insectors, de ces deux tribus imbéciles qui se battent à propos, reste quand même d'actualité, sans vouloir faire une pédagogie primaire. Mais la guerre des couleurs et la guerre du charbon, mais on devrait encore le réécrire un peu pour aujourd'hui, parce que aujourd'hui on peut aller peut-être un peu plus loin et le positionner aussi sur je laisserai ça aux gens du marketing. Mais nous, dans notre envie, on a plutôt envie d'écrire un petit peu plus âgé, âgés, pas de jeunes, mais d'aller jusqu'aux nouveaux jeunes ados, enfin, comme on les qualifie, pardon, hein, de vous catégoriser, auditeurs, je sais pas dans quelle catégorie vous êtes. Alors, il y a la catégorie des rieurs, ça, on espère l'avoir, d'une manière générale, mais c'est d'essayer d'aller, de pouvoir avoir, d'être un petit peu moins, disons, d'être un peu plus gonflé dans les dialogues et dans les situations. Voilà, pardon, j'étais. Non, au contraire, non, au contraire, c'est passionnant et c'est vrai que, ben, dès que Fantôme, de toute façon, revient de manière sûre, tu es le bienvenu, bien sûr, pour nous en parler. Et Georges Lacroix, hors Fantôme, il est prof dans plein d'écoles. Et aussi, c'est un, si je me souviens bien, un amoureux des chats, non ? Il y avait eu un livre qui était sorti. Est-ce qu'on... Il connaît mon dossier. Est-ce qu'il y aura... on peut espérer d'autres choses ou quoi ? Ou il y aura pas une série avec des chats aujourd'hui et, et chose, parce que le livre chats, c'est, sorti, c'est une belle histoire. Beau, j'avais un chat qui s'appelait Grisby, qui était tout le temps fourré sur ma planche à dessin quand il voulait que je donne des caresses, c'est clair. Ouais. Et puis, il y avait l'idée aussi qu'il n'y a pas de chat policier, donc c'était plutôt drôle. Puis il y avait plein de copains qui aimaient bien les chats, donc ça devait faire un livre de 32 pages. Puis ça en fait 300, je ne me rappelle pas quoi. Et tout le monde, en fait, quand on est parti, il y a tout le monde qui disait « Ah, tu connais pas les dessins d'un tel et d'un tel ?» Et finalement, c'est devenu une espèce de pavé, malgré nous, qu'a distribué d'ailleurs Glénat, on l'avait produit, on l'avait distribué, et c'est que de la camaraderie, des copains. J'ai des chats dessinés spécialement par Maurice de Lucky Luke. On a remis en couleur une planche de Franquin. On a eu Milton Glaser. On a eu des Japonais. Ça a été une très très belle aventure. Mais je crois qu'on, comme toute belle aventure, on le renouvelle pas ça. Mais elle est épuisée. C'est épuisé. Je crois qu'on trouve un peu de chacun son chat sur Amazon en cherchant d'ailleurs des livres. Faites gaffe, ils sont à peu près tous écornés parce que les neufs, je les ai rachetés. en gros, oui, non. Mais ça, c'était un peu une espèce de, entre guillemets, de fin de carrière de mon métier d'illustrateur, quoi. C'était un peu aussi un hommage à tous les gens que j'admirais, quoi. Alors, on va faire une dernière pause musicale, la piste 6. En effet, on va revenir avec Alexandre et bien sûr, ce que vous attendez tous avec impatience, le mini-agenda, mais quand même d'été de Florentine. Mais vous entendrez enfin sa belle voix, donc au moins on entendra ça. On va juste, de nouveau, un album produit par John Zorn. On était dans John Zorn, je vous l'ai dit. Donc, d'un monsieur qui s'appelle Sato Michiro, d'un album qui s'appelle Rodan. Et vous allez entendre, il joue du shamisen, qui est un instrument traditionnel. Et là, j'étais gentil avec vous. Je me suis dit, quel est le morceau que je vais mettre ? J'ai mis un morceau plutôt cool, avec Steve Coleman, grand saxo alto. Donc vous entendre, c'est un album qui date maintenant de 88. Rodan, on écoute, c'est bien la piste 6, merci beaucoup. Thank you. Thank you.